Aló, aló. Welcome to the radio Big Toilet, collaborating with the Soto Festival. Now I'm playing the song from the Ambient Project. Sailing Cloud, based in Berlin. They played last year Soto at the Tanker in the north, and I went, by the way, I'm Shoko Mune, and I went to the Berlin to meet up them after the festival, and we made recordings together. That was in the summer. It was a hot summer, and we had some stick, like they had this shibari setup, and I could attach my contact mic on the one of the poles, and I could play with ropes and the sound that coming from the the gravity of the human body, and it was a really nice session. Okay, we're gonna listen another couple minutes and I'll come back. Thank you. That was the song from Naked in the Zoo, and it's from their newest vinyl called It's hard to read. I actually bought this record in Nancy in France. Never could play this record before because I don't have a record player at my place, so it's first time that I'm playing this record. And the jacket of this record is quite messy and it's hard to read some some text, and I guess this is the title of the album. It has James Kvlada, something like that. It's the newest album from the 2025 January, and they played at last Soto Festival on Sunday at Green Drive. Yeah, it was great, great live. It's a duo from the Teresa. Duo from Teresa. I don't know the family name. I tried to find. Oh yeah, Lehman, and the violin, electronified violin from by Ruben Tannenbaum, and Teresa is from based in Berlin, and Ruben is based in Nancy in France. This year, only Teresa coming back to perform during Soto Festival. She's coming on the Thursday at Tanker in the North. I'm gonna play one song from her newest album. Song called Nage avec moi dan. Ma langue mutile. Okay, it's a French. I really don't understand French, so probably sounds very weird. Okay, enjoy. François dans la vie non menu, en François dans les inconnus, en François dans les innocents et moitiés, jamais entendu un mot tellement habitué, en François dans la vie la menu, en François dans la bouche déformée, en François dans les yeux déformés, nage avec moi, nage avec moi, dans ma langue mutilée. Il n'y a plus rien qui te tient, ni à la terre, ni au ciel. Il n'y a plus rien qui te tient, ni à la vie, ni à la mort. Enfonce-toi dans la vie la même nuit, enfonce-toi dans le ciel même nuit, enfonce-toi dans l'innocence de moi, j'ai jamais entendu un mot. Avalez bien la gorge qui te soutient, mon goût du mort de soi. Ce n'est pas la mort, la négation de la vie, c'est l'absence. Ce n'est pas la mort, la négation de la vie, c'est de la indifférence. Enfonce-toi dans la vie d'amener, enfonce-toi dans le temps connu, enfonce-toi dans tout déformé. Nage avec moi, nage avec moi, dans ma langue mutilée. Pars avec moi dans ceux qui sont déjà morts. Tu fais tendresse, tu mords, et ceux qui restent, tu fais tendresse. L'absurde, n'est-ce pas? L'inconnu infini, le spasme de la répétition automatique. Quand c'est pas déclaré comme réaction authentique, attiré par le lourd dans les ténèbres, tu te forces à porter des brûlures d'absurde en fierté, tu t'en vas dans la désintégration totale, dans la dissolution absolue. Car dans le martèlement mortel de, car dans le martèlement mortel de Moëmoment, il n'y a plus rien qui reste, il n'y a plus rien qui te tient, ni à la terre ni au ciel. Sans effort, ton esprit analytique peut dissimuler toute véracité instantanée. Les chaises par les fenêtres et encore continuer de marcher debout, car il n'y a plus rien qui reste, car il n'y a plus rien qui te tient. Enfonce-toi dans la ville amenée, enfonce-toi dans les inconnus, enfonce-toi dans les jamais vus, enfonce-toi dans ma bouche déformée, enfonce-toi dans mes yeux déformés. Avec moi sur le trottoir nettoyé un samedi matin, mort avec moi dans ceux qui sont déjà morts, neige avec moi dans ma langue déformée. Before a live act starts, I'm gonna have one short harsh noise injection. Just Dat was the recordings from the Fall into Dry Lungs, and they are from Austria, and they will play this year's Sotu on the day the ADM, whenever we have a party at the ADM. I'm gonna talk about it later after Duke S.